Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est en Californie que vous nous emmenez cet après-midi, et plus précisément à Hollywood. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Oui, vous vous rendez compte, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, The Walk of Fame, les grands studios Château Marmont, Rodeo Drive à Beverly Hills. C'est la Mecque du 7e art, en tout cas du cinéma américain, que nous allons visiter cet après-midi en compagnie de Laurent Veil, qui connaît tout ça comme sa poche, et je pense que nous n'avons pas fini de rêver. Et je crois savoir que c'est la parution assez récente d'une histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood qui vous a donné l'idée de cette émission, Franck. Oui, c'est un livre d'Antoine Cyr, très beau livre, intitulé Hollywood, la cité des femmes. L'auteur est déjà avec nous dans ce studio. Nous allons évoquer avec lui Catherine Hepburn, Bette Davis, Jean Arthur, les autres vampes du milieu du XXe siècle, dont l'incontournable Claudette Colbert, qui est née française. Vous savez, c'est la Cléopâtre de Cécile B2000, par exemple. C'est la belle Ellie Andrews de New York Miami, qui tournera même avec Sacha Guitry en 1953. Cette grande amie de Frank Sinatra et de Ronald Reagan nous a quittés il y a 20 ans, en 1996. Eh bien, je suis ravi que nous puissions aujourd'hui lui rendre hommage. Elle est née à Saint-Mandé ? Oui, en 1903. Patience, patience, Carole, nous allons raconter ça dans un instant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Quand Si Versailles m'était compté sort sur les écrans, donc en 1954, le grand Sacha Guitry peut s'enorgueillir d'avoir réuni sans doute le casting le plus impressionnant de toute l'histoire du cinéma français. Jean Marais, Micheline Prel, Orson Welles, Edith Piaf, Brigitte Bardot, Gérard Philippe, mais oui, et Bourvil. On pourrait même continuer la liste. Parmi ce défilé de vedettes qui rejoue l'histoire du château de Versailles, une actrice menue, élégante, le visage rond. Elle est brune, avec un regard à la fois noble et mutin. C'est tout le secret d'ailleurs de son jeu. Une actrice que l'on a plus l'habitude de voir au bras de Clark Gable ou de Gary Cooper ou de John Wayne que dans un film français et surtout dans un film d'histoire. Son nom pourtant est tout à fait hexagonal. Claudette Colbert. Pour l'occasion, l'actrice déjà entrée dans la cinquantaine ose incarner, alors il faut imaginer ces robes magnifiques, des robes grand siècle, elle incarne un rôle qui pourrait ne plus être de son âge, celui de la très séduisante Madame de Montespan. Et c'est une réussite. Claudette Colbert est assez malicieuse, assez enjôleuse. Elle fait preuve d'assez d'orgueil aussi pour incarner merveilleusement le rôle et pour être à l'aise dans les tirades de Guitry. Son aura opère dans chaque scène, pas de doute, elle est une star. Après tout, on peut dire qu'elle a eu une carrière formidable et qu'elle a mis Hollywood à ses pieds. Claudette Colbert est née en 1903 à Saint-Mandé, vous le disiez à l'instant, Carole. Saint-Mandé, donc, du côté de Vincennes, hein, à l'est de Paris. Son véritable nom, Émilie Chauchouin. On comprend qu'elle est changée. Mais chez elle, on l'appelle essentiellement Lily. Surnom à consonance britannique, inspiré par une actrice des îles anglo-normandes d'où sa famille maternelle est originaire. Les Chauchouin gèrent une pâtisserie, mais c'est un couple aux aspirations déçues, on peut dire du père de Lily, Georges, qu'il est un homme frustré, il voulait être banquier. Quant à sa mère, elle se serait bien vue à l'opéra, mais elle aussi, elle a dû déchanter et prendre une autre route. Et rapidement, l'idée de tenter l'aventure américaine s'impose chez ces gens, et en 1906, Georges Chauchouin traverse l'Atlantique pour rejoindre New York. Il va vite être rejoint pour un premier séjour par sa femme et par Lily. La fillette de 3 ans doit être impressionnée par ce New York dont elle découvre l'agitation et peut-être déjà les très hauts immeubles. Elle ne tarde pas à retraverser l'océan. La famille n'est pas tout à fait prête à sauter le pas de l'émigration définitive. Il va falloir se préparer à l'idée, mais finalement, c'est en 1911 que tout le monde s'installe aux États-Unis. À ce moment-là, 1911, Lily a donc 8 ans. Sa tante et son grand frère sont aussi du voyage. C'est Bernard Dick qui le précise. L'anglais de Lily s'améliora très vite. Elle apprit rapidement, grâce en partie aux leçons de Marie-Augustine. Marie-Augustine, c'est sa grand-mère, celle qui justement était née à Jersey. Donc il y avait cette dimension anglophone dans la famille. La petite fille va donc grandir à New York. Elle reçoit une éducation tout à fait soignée. Et à l'adolescence, sans que la raison soit très claire, elle change de prénom et elle se fait appeler donc Claudette. C'est finalement le deuxième prénom de son père, Claude, qui a été féminisé. Quelques années plus tard, elle changera aussi son nom en Colbert. Il faut dire que Chauchoin, c'est pas très joli, puis c'est surtout très difficile à prononcer pour les Américains, qui dit Chauchine, c'est-à-dire le cirage, vous savez, le cirage à chaussures. Claudette a la bonne idée de garder donc ce nom très français qui va faire en quelque sorte sa notoriété. On va beaucoup s'appuyer sur ce nom-là dans son entourage. Et très vite, elle pense donc à une carrière artistique. Même si elle s'intéresse d'abord surtout à l'univers de la mode, elle s'inscrit dans un club d'art dramatique. Ça lui plaît, elle est tout à fait à l'aise sur scène. Elle veut poursuivre et pour payer ses cours, eh bien, elle va donner des leçons de français. La rencontre qui va changer la vie de Claudette, cette rencontre a lieu en 1923. 1923, elle a donc 20 ans. Imaginez, nous sommes dans un cocktail. De nouveau Bernard Dick. L'un de ses élèves de français, l'une plutôt de ses élèves de français, lui présenta une actrice devenue auteur pour le théâtre, Anne Morrison, dont la première pièce était en plein casting. Leur rencontre fut de celle où l'on dit « vous êtes faite pour Broadway », Morrison lui suggérant d'auditionner pour un des rôles. Alors avec son petit visage et ses yeux sombres, Claudette dégage un charme, on peut le dire, assez étonnant. Elle attire l'œil, elle a du charisme incontestablement, elle se présente à l'audition, elle est prise tout de suite. Alors c'est un petit rôle, hein. La pièce ne va pas rester longtemps à l'affiche. Peu importe, pour Claudette, c'est le début d'une carrière. Elle est maintenant sur la scène, un producteur va la repérer, il lui propose un contrat et dès lors, eh bien, on peut déjà dire qu'elle est lancée. Alors voilà ce que nous dit Antoine Cyr. C'est tournée en compagnie de nombreux acteurs britanniques, lui ont donné une pointe d'accent anglais. Elle joue dans une dizaine de pièces jusqu'en 1929, essentiellement dans des rôles d'ingénue, et connaît en 1927 son premier succès à Broadway dans The Barker, où elle interprète une charmeuse de serpent en compagnie de l'acteur Norman Foster, qui va devenir son époux à la ville. Le succès est immense. Et bien sûr, lorsque vous obtenez sur scène à Broadway un tel succès, le cinéma ne peut que s'intéresser à un visage très expressif. Elle va tourner en 1927 dans un premier film. 27, on est encore, c'est la fin, hein, mais on est encore dans le cinéma muet, bien entendu. C'est un échec. Quand même, le réalisateur n'était pas n'importe qui, puisque c'est Frank Capra. Quelque chose me dit que ce Frank Capra, elle va finir par le recroiser. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous suivons aujourd'hui la formidable carrière de l'actrice Claudette Colbert, justement, et dans les années 1920, Franck, cette native de Saint-Mandé qui a émigré aux États-Unis est surtout focalisée sur le théâtre. Mais le cinéma, on l'a vu, commence à lui faire les yeux doux. Alors avant de savoir comment sa carrière va décoller sur grand écran, une question pour vous, Franck. Il me semble qu'au moment où Claudette Colbert débute au cinéma, les films sont en train de devenir parlants, n'est-ce pas ? Exactement, puisque l'année de son tout premier film, en 1907, c'est Chanteur de jazz. C'est le premier film parlant. Et ça va être, vous le savez, un véritable séisme dans l'industrie cinématographique. Rappelez-vous le film Chantons sous la pluie qui raconte avec beaucoup d'humour, hein, justement ce passage difficile au parlant. Le cinéma cherche donc des acteurs qui savent bien s'exprimer et de ce point de vue, le théâtre peut naturellement être un vivier de comédiens. Ça tombe bien pour Claudette qui justement est à la fois jeune, jolie, moderne, qui a engrangé une solide expérience sur les planches et on peut dire que après quelques déceptions au théâtre, eh bien, elle va commencer une carrière de cinéma. C'est un contrat avec un des grands studios hollywoodiens, la Paramount, qui va la lancer. On est en 1929, la voilà dans son premier film parlant. C'est une expérience satisfaisante et qui va se poursuivre. Claudette enchaîne les films tournés à la fois en anglais et en français. Ça, c'est formidable, parce que dans la mesure où elle parle les deux langues parfaitement, vous imaginez, pour les producteurs, c'est magnifique. Même pas besoin de la doubler, on lui fait simplement également joué les scènes dans les deux langues. Alors au-delà de cette spécificité, disons qu'elle se double elle-même en tout cas, c'est au-delà de cette spécificité, Claudette va marquer les gens, d'abord par son naturel. Elle a une fraîcheur incroyable, elle est là très, très naturelle, très juste dans son jeu, et puis il y a ce charisme, ça que voulez-vous, ça ne s'invente pas. Elle dispose de cette dimension-là. Ses rôles deviennent vite seulement anglophones, tout en gardant un je ne sais quoi d'européen, fortement souligné par son nom, Claudette Colbert. Ça amuse les Américains, bien entendu. On la voit jouer toutes sortes de parfaites petites Américaines, mais assez vite, on pense qu'elle a l'exotisme nécessaire pour incarner des tentatrices, pour incarner de vraies vampes, des femmes sulfureuses. Et c'est dans ce registre qu'elle va littéralement se révéler. Cécile B2000, comme on dit ici, l'a choisie pour interpréter Poppée, la femme dévoyée de l'empereur Néron, dans Le Signe de la Croix, grand film de 1933. 2000 lui demande « Voudriez-vous jouer la plus méchante femme du monde ?» raconte Antoine Cyr. Elle répond « Oh, j'adorerais !» Le réalisateur, tout en accompagnant ses images d'un discours moralisant, s'autorise des audaces qui vont pousser les ligues de vertu au dernier degré de l'exaspération et contribuer à la mise en application du code Hays en 1934. La séquence où, filmée en contre-plongée, elle se prélasse dans un bain de lait d'ânesse qui ne dissimule que symboliquement ses formes, est une des plus voluptueuses de la période pré-code. On va voir dans un instant ce que c'est que cette période pré-code. Elle n'a pas froid aux yeux, avec ce rôle elle devient vraiment célèbre, et assez naturellement, on va lui proposer d'incarner, bah après avoir été Poppée, elle va être Cléopâtre, après tout les bains de lait d'ânesse maintenant ça la connaît. Une Cléopâtre assez avare en vêtements, on peut le dire, toujours dans cette machine, grosse machine de Cécile B2000. Pour l'actrice qui maintenant a atteint la trentaine, la vie tourmentée, pleine de rebondissements de Cléopâtre, est un rôle inespéré bien entendu. 1934, alors là c'est l'année forte, l'année charnière. Claudette tourne dans un film d'un genre un peu plus modeste de Frank Capra, qu'il avait fait donc débuter au cinéma, rappelez-vous. Ce sera It Happened One Night, ce qu'on appelle en français New York Miami. Le registre cette fois est différent, c'est une comédie, ces espèces de comédies américaines extrêmement à la fois sucrées et acides, vous savez, très sophistiquées. On appelle ça screwball comedy en Amérique. Elle joue la fille d'un milliardaire, elle est en fuite, elle tombe sur un journaliste en quête de scoop, qui est joué par un Clark Gable assez extraordinaire. Le charme du couple étincelle, le film triomphe en salle, et notamment, le public va se souvenir longtemps de Claudette en train de faire du stop, non pas avec son pouce, mais vous savez comment elle fait de l'autostop. Hein. D'abord, elle est allongée sur la barrière, pour tout vous dire, elle saute littéralement comme un cabri, elle vient à la rescousse de son compagnon qui n'arrive pas à arrêter une voiture, et elle lève tout simplement sa jupe jusqu'à dévoiler ses très jolies jambes, qu'on voit en gros plan à l'écran, et là, bien entendu, les automobilistes pilent littéralement, et les spectateurs aussi. Claudette, cette année 1934, va devenir une véritable star. Il faut d'ailleurs y ajouter côté personnel la fin de son premier mariage et l'annonce d'un second qui lui va durer. Pour ce qui est de l'Oscar de la meilleure actrice, on peut dire que la concurrence est rude, puisque Bette Davis, spécialiste des morceaux de bravoure sur grand écran, paraît déjà avoir la statuette entre les mains. Que voulez-vous que fasse la pauvre, la petite frêle Claudette face à ce phénomène Bette Davis? Pour elle, même pas la peine de se rendre à la cérémonie, c'est ce qu'elle se dit en tout cas. Eh bien, détrompez-vous, c'est bien Claudette Colbert qui remporte l'Oscar pour New York Miami, ce film charmant, subtil, qui va triompher ce soir-là. Elle se souviendra « J'ai été très surprise quand j'ai remporté le prix. En fait, j'étais prête à partir pour New York le soir où ils m'ont appelée pour m'apprendre la nouvelle. Habillée dans une tenue marron, j'ai été escortée jusqu'à la salle du banquet des Oscars où tout n'était que diamant et queue de pie. C'était très embarrassant car je me disais que tout le monde croyait que j'avais fait exprès d'arriver ainsi, histoire de faire une entrée remarquée. » Ah ben ça, l'entrée, elle a été remarquée, c'est absolument certain. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'en 6 ans à peine, Claudette a fait maintenant une entrée très remarquée, non seulement à la cérémonie des Oscars, mais tout simplement dans le monde du cinéma. « Me Liberty or Give Me Love » par Claudette Colbert sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck, nous nous intéressons à une Frenchie qui a connu un succès flamboyant au siècle dernier, Claudette Colbert. On est à l'âge d'or d'Hollywood et Claudette Colbert est devenue une grande actrice. Oui, une grande actrice, exactement, on peut le dire. C'est une professionnelle respectée, rigoureuse, même si certaines de ses exigences peuvent agacer. Voilà ce que nous dit Antoine Cyr. Elle était connue à Hollywood pour son caractère peu commode, et bien que la différence entre ces deux profils ne soit pas flagrante, elle exigeait d'être filmée par le côté gauche, faisant la chasse à toutes les images où l'on pouvait apercevoir ce que les techniciens surnommèrent la face cachée de la lune. Mais c'était une grande dame, appréciée des metteurs en scène pour son efficacité devant les caméras. Vous savez, pas du genre à tout faire refaire 30 fois. Sa carrière évolue. En résumé, on pourrait dire que le jeu un peu facile sur le soufre est maintenant derrière elle et qu'au fil des années, elle va devenir l'incarnation même de la comédie américaine, ce qui ne l'empêche pas d'explorer d'autres genres de temps à autre, comme le mélodrame ou même le western. Elle a prouvé depuis bien longtemps qu'elle pouvait se fondre dans des atmosphères vraiment différentes. Alors, même si ses films ont plus ou moins bien vieilli, et ça n'est pas forcément sa faute à elle, il faudrait peut-être aller voir parfois du côté des réalisateurs, on peut dire qu'elle marque toujours de toute façon par une espèce de fraîcheur, encore une fois, par cette espèce de modernité. Il est vrai qu'elle joue sous la caméra des plus grands, George Cukor, John Ford ou même Ernst Lubitsch. Le temps n'a aucun effet sur sa beauté, ça c'est incroyable. À presque 40 ans, en 42, elle le prouve encore dans The Palm Beach Story de Preston Sturges, dont le scénario repose pour une bonne part sur le charme de Claudette Colbert, sur ce charme piquant. La période de la guerre est aussi celle des films de circonstance qui sont là pour exalter, vous le savez, le sentiment patriotique américain. Il faut soutenir le moral, encourager l'endurance du pays, et Hollywood et ses acteurs sont littéralement mobilisés. Claudette joue les infirmières qui ne baissent pas les bras, les mères de famille solides. On peut se dire alors que l'ex-Lily Chauchouin est vraiment devenue une sorte d'archétype de la femme américaine, comme la fillette française de la pâtisserie Saint-Mandé a l'air loin lorsqu'on la voit maintenant devenir l'incarnation mondiale de l'américaine. Malgré les succès que connaît encore Claudette, après la guerre, une nouvelle génération d'actrices est là qui pousse à la porte, bien entendu. Rita Hayworth, bien sûr, Judy Garland, Lorraine Bacall, les nouvelles étoiles d'Hollywood. Et pour Claudette, qui est évidemment, elle, ancrée dans une période un peu précédente et qui approche de la cinquantaine maintenant, les bons scénarios vont devenir un peu plus difficiles à trouver, d'autant plus qu'on est à une époque où le cinéma se prête moins à l'adaptation, à l'évolution des carrières des acteurs. Elle passe d'ailleurs de peu à côté du rôle principal de All About Eve, Eve, vous savez, en 1950. Elle s'est blessée sur un tournage et c'est Bette Davis qui va prendre la relève, avec un talent impressionnant, il faut le dire. On peut voir là peut-être une sorte de retour des choses, 15 ans après que l'Oscar avait passé sous le nez de cette pauvre Bette Davis pour atterrir entre les mains de Claudette qui ne l'attendait pas. Au début des années 50, Claudette va tourner quelques films en Europe et donc, j'en parlais pour commencer ce récit, elle va tourner dans le fameux « Si Versailles m'était compté » de Sacha Guitry. Seulement, elle le sait bien, malgré tout son prestige et même si sa présence quelque part suffit à rendre la soirée éblouissante, elle est entrée dans une sorte de crépuscule de sa carrière au cinéma, c'est vrai. Et elle va s'adapter, elle ne cherche pas à s'accrocher de façon pathétique. Encore Antoine Cyr, il nous dit « Elle commence petit à petit à se recycler dans la télévision, puis en 1958, elle triomphe à Broadway. Elle va travailler à la télé et au théâtre en Angleterre avec le célèbre dramaturge et acteur Noel Coward. En dépit de leur amitié, la collaboration ne sera pas de tourpeau et elle lui dira un jour « Je te tordrai le cou si seulement tu en avais un ». Ce qui était assez bien vu du reste. Dans les années 60, elle entre dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de retraite, si vous voulez, retraite partielle, parce qu'elle viendra de temps à autre faire une apparition ou deux devant les caméras ou sur les planches. Elle passe désormais une bonne partie de son temps à la Barbade, où elle possède une très belle maison. C'est une maison de type colonial qui était très réputée, qui a été la maison où il fallait être invité lorsqu'on appartenait à la Café Society des années 60. Et puis, le temps continue de s'écouler. Son métier est toujours là, si vous voulez, dans ses pensées. Elle va devenir en quelque sorte l'incarnation de la grande actrice d'autrefois. Mais c'est un rôle aussi qu'on peut jouer, en tout cas à la ville. Bernard Dick le note, elle savait qu'elle serait une actrice jusqu'à la fin. Dans un questionnaire de Vanity Fair en avril 1996, à la question « Quel est votre plus grand regret ?», Claudette répondit « en ce moment de ne pas travailler. Vous imaginez ça, elle avait 93 ans. Quelques semaines après la parution de cet article, quelques semaines seulement, Claudette va donc s'éteindre à la Barbade le 30 juillet 1996. La petite actrice au regard sombre, au visage tout rond, qui faisait du stop en dévoilant sa jambe au bord de la route, quitte de loin la scène d'Hollywood. Bonjour Antoine Cyr, merci Bonjour. Beaucoup d'être venu avec ce livre magnifique, une véritable bible coéditée par Actes Sud et l'Institut Lumière. C'est une très belle évocation de ces femmes qui ont illuminé non seulement le cinéma américain, mais on peut dire la vie d'un certain nombre de nos auditeurs et accessoirement auditrices. Nous revenons dans un instant avec vous non seulement sur Claudette Colbert, mais sur toutes celles auxquelles elle a un peu fait d'ombre, il faut bien le dire. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les actrices de l'âge d'or d'Hollywood sont à l'honneur sur Europe 1, dont Claudette Colbert. Et pour en parler, Franck, vous êtes en compagnie d'Antoine Cyr. Il est l'auteur de l'ouvrage Hollywood, la cité des femmes, histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood 1930-1955 aux éditions Institut Lumière et Actes Sud. Alors évidemment, ce qui nous plaît à nous autres Français dans la personnalité de Claudette Colbert, c'est d'abord sa nationalité d'origine et sa culture française. Est-ce qu'elle a joué de cette culture française pour devenir la grande actrice qu'on connaît ? Je crois qu'elle a joué de façon très efficace sur sa double culture. D'abord, elle a commencé à réussir au cinéma dans des films qui étaient tournés en deux versions, qui étaient les scènes étaient vraiment tournées en anglais, puis en français, et souvent c'était des films avec Maurice Chevalier, qui parlait bien anglais et qui évidemment parlait bien français aussi, et elle donnait la réplique à Maurice Chevalier. C'est comme ça qu'elle a commencé à émerger comme actrice, mais ce qui est absolument remarquable, c'est que petit à petit, elle est devenue une vraie actrice américaine, elle est devenue l'incarnation de la femme américaine, souvent la femme à laquelle les américaines voulaient ressembler, et en même temps cette envie qu'elle donnait aux femmes américaines reposait en partie sur son charme français, parce que justement les Américains de l'époque considéraient que l'élégance c'était européen, alors ça pouvait être anglais ou français, et donc cette idée qu'elle puisse incarner la femme américaine en ayant quelque chose d'un peu français, ça a beaucoup contribué à sa réussite. Je regardais avant de venir tout à l'heure un extrait de New York Miami. Justement, ça s'est passé une nuit, le titre américain. Et elle est d'un naturel absolument extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant une caméra, à la télé ou pire encore au cinéma, deviennent un peu différents. Ouais. Mais elle, pas du tout. On a l'impression qu'elle est plus vraie que dans la vie. Je pense que c'est une des forces de Claudette Colbert, qui était une actrice qui avait à la fois une assez solide formation théâtrale, comme beaucoup d'actrices de cette période de l'âge d'or d'Hollywood, dont la mémoire a parfois fait des actrices qui étaient très belles, mais en oubliant plutôt à quel point elles avaient une solide formation théâtrale. C'était le cas de Claudette Colbert. Et en même temps, elle avait vis-à-vis de son métier et de la gloire hollywoodienne une espèce de détachement qui, sans doute, lui permettait de jouer aussi ses rôles avec naturel. Elle est assez différente d'une Bette Davis, par exemple, qui va être une très grande actrice de composition, qui va à chaque fois s'adapter en profondeur à son rôle. Claudette Colbert, finalement, quand vous la voyez la même année dans New York Miami, où elle joue une américaine dans une espèce de road movie, ou dans le film dans lequel elle joue Cléopâtre. C'est quand même à peu près la même femme, et c'est ça qui est assez remarquable. Sublime dans Cléopâtre, nous dit d'ailleurs Françoise via Facebook. C'est vrai qu'elle crève l'écran, littéralement. On a l'impression comme ça, et vous allez me dire si je me trompe, qu'elle n'a pas tellement connu les galères qui d'habitude émaillent les grandes carrières. On a l'impression que tout s'est fait relativement facilement chez elle et qu'elle n'a jamais fait que franchir des étapes et grimper des paliers. Je crois que c'est une femme que tout le monde voulait avoir dans les films, parce qu'on savait qu'elle faisait très bien le travail, parce qu'elle était tout à fait élégante, elle était très belle, et en même temps, elle savait se protéger. Par exemple, quand elle fait le film avec Capra, New York Miami, elle dit je veux bien, mais il faut que le tournage soit terminé à telle date parce que je vais au ski. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement inédit dans Hollywood de l'époque. l'époque. Il y a Myrna Loy qui est une grande actrice de l'époque qui a écrit dans ses mémoires, à l'époque on n'avait pas de syndicat et on nous faisait travailler jusqu'à la mort. Et bien Claudette Colbert est une des premières actrices qui a su imposer ses conditions et qui du coup s'est extrêmement bien protégée. Vous parliez de sa maison à la Barbade, elle y était plus heureuse que dans les soirées jet set d'Hollywood, auxquelles elle a quand même su aller. Oui, mais c'est un équilibre. Exactement. C'est ça. Elle est à la fois présente, bien entendu, elle ne laisse pas du tout sa place sur les plateaux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, elle sait protéger sa vie, elle est elle-même. C'est un peu un modèle de ce point de vue, on peut le dire. Et d'autant plus qu'il lui faut quand même tenir son rôle face à un certain nombre de partenaires masculins qui sont parmi les plus grands d'Hollywood, hein, pour le coup. Elle a joué avec Clark Gable, enfin ce qu'on disait tout et à l'heure. Et Gary Cooper, ce qui est formidable, c'est dans La huitième femme de Barbe Bleue, oui. Elle est face à Gary Cooper. C'est un film quand même, c'est une comédie de Lubitsch très élégante, pleine d'esprit, mais c'est aussi un film un peu précurseur du féminisme finalement, parce que Claudette Colbert joue une jeune femme. Très beau film, une, hein, comme, très tout, bon comme film. Tous les films de Lubitsch, voilà. Vous me direz. Elle joue une jeune femme qui épouse un peu par intérêt un milliardaire, et puis quand elle se rend compte que ce milliardaire a épousé 7 femmes avant lui, elle se dit non, mais moi je ne tombe pas dans les filets de ce séducteur, et la manière dont elle lui ferme sa porte pendant tout le film, ensuite c'est tout le thème du film qui est construit autour de ça, vraiment elle tient tête avec Gary Cooper avec un naturel et un aplomb tout à fait extraordinaire. Elle est désarmante. Gary Cooper, c'est pas elle a même réussi à désarmer, ouais, Bette Davis apparemment. Oui, tout à fait. Elle avait cette capacité que je pense qu'encore une fois, ça vient d'une espèce de distance assez différente de ce que faisaient les autres actrices d'Hollywood à l'époque. Alors, évidemment, nous allons venir dans un instant à un certain nombre des autres, et notamment à la mythique, absolument mythique Catherine Hepburn. Mais est-ce qu'on peut pas dire de Claudette Colbert qu'elle était plus accessible d'une certaine manière? Elle était moins, j'allais devenir désobligeant, je ne sais pas quel terme employer, il y a chez Catherine Hepburn un côté comme ça, un peu la grande femme américaine, très d'origine très nord-européenne, si je puis dire. Claudette Colbert, elle est plus Madame Tout-le-Monde, elle est davantage Madame Tout-le-Monde. Alors là aussi, je dirais que c'est un équilibre. Moi, je suis convaincu que ce qui fait les stars, c'est la capacité d'incarner la femme de leur époque, et souvent de leur pays, en ayant justement un mélange d'accessibilité et en même temps quand même charisme, et en sûr, même temps monsieur. Quand même une forme de distance et d'élégance qui n'est pas facile de traverser. Et il y a un film que j'aime beaucoup qui est Since You Went Away, depuis ton départ. C'est un film où Claudette Colbert incarne la mère de famille américaine pendant la guerre. Et on la voit dans ce film comme les mères de famille américaines doivent le faire à l'époque. Elle va travailler comme ouvrière pour servir l'effort de guerre. Et naturellement, elle le fait quand même en gardant l'élégance de Claudette Colbert. Et en même temps, c'est naturel. Donc il y a vraiment cette espèce, c'est quelqu'un qui avait cette espèce d'équilibre assez magique et qui est à mon avis la caractéristique des stars entre l'accessibilité dont vous parlez, mais enfin quand même un certain quant à soi. Il y a un film extraordinaire avec Fred McMurray où elle joue une photographe. À un moment, elle se retrouve couverte de boue parce que c'est le film qui veut ça, mais en même temps, il y a son brushing qui lui reste impeccable, et alors que ça pourrait être ridicule avec une autre actrice, au fond avec Claudette Colbert ça passe très bien. Et non seulement ça passe bien, mais on n'imaginerait pas que ce soit autrement. C'est ça qui est exactement fort, c'est qu'il faut qu'elle reste bien coiffée néanmoins. Elle a la réputation d'avoir été difficile sur les plateaux, d'avoir mené la vie dure aux réalisateurs. Il semblerait que ce soit plutôt une forme de professionnalisme, pour le coup très américain. Oui, parfois il est peut-être arrivé que ça se passe un petit peu moins bien. Par exemple, elle a fait un film où moi je trouve qu'elle est excellente, qui est sur la piste des Mohawks de John Ford, qui est son premier film en couleur. Mm-hmm. C'est d'ailleurs là encore Claudette Colbert, petite française, joue une pionnière américaine. Là, on est dans le western. Donc on est dans le western. Et là, bon, elle n'était pas du tout contente parce que elle s'est retrouvée dans une espèce de chambre d'hôte au milieu de la prairie dans laquelle il n'y avait pas de salle de bain. Donc elle était un peu furieuse. Elle arrivait un peu en retard le matin sur les lieux du tournage et John Ford n'était pas content. Donc il y a eu quelques moments où il y a eu quelques frictions avec certains réalisateurs. Mais généralement, les réalisateurs considéraient qu'avec elle, elle imposait ses conditions, mais on aurait toujours la bonne réplique au bon moment. Il y a un petit reproche parfois, certains réalisateurs disaient, avec elle, il n'y a jamais de mauvaise surprise, mais il n'y a pas forcément non plus de bonne surprise. Ah voilà, c'est peut-être la limite du personnage. Voilà, oui. Très raisonnable, somme toute, y compris dans la manière dont elle a abordé sa propre retraite. Elle s'est mise gentiment, petit à petit, de côté. Elle a compris que le cinéma de l'époque n'était pas prêt à accueillir, en quelque sorte, une vieille star. Mais en restant présente à Hollywood. Elle est restée un mythe jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment à l'an 2000. Hein. Alors oui, et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que des actrices comme Bette Davis ou Joan Crawford ont fait durer leur carrière pratiquement jusqu'à la mort. En changeant complètement de rôle. Mais en changeant de rôle et en faisant des rôles de monstres finalement. Et je pense que Claudette Colbert, ça l'amusait pas du tout de jouer des monstres dans des scénarios misogynes. Donc à un moment, elle a dit, écoutez, moi je vais à la Barbade, et puis quand vous avez besoin d'une grand-mère sympa, vous m'appelez. Quoi. Voilà. Finalement, on se dit que cette femme avait à peu près tout compris. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. And now, as we carry right on, we call upon charming Leslie Caron. Anywhere, you can watch Fred Astaire. That's entertainment. A scene played by Judy and Gene. It's a song that goes winging along. Garbo's dance has a touch of romance. That's entertainment. The show must go on, is the show business cry. But there's always someone who wants to know why. With Robert Taylor, we'll try to come up with an answer. It's Eleanor Powell, the dancer. Un extrait de That's Entertainment, Fred Astaire sur Europe 1. Et nous revenons sur l'histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, dont la Frenchie Claudette Colbert, avec vous Franck, et avec votre invité Antoine Cyr. Claudette Colbert qui n'était pas au générique de That's Entertainment, mais, mais en fait cette affaire du cinéma parlant va jouer un rôle très décisif dans sa carrière, parce que c'est grâce à ça qu'on a fait appel à elle. Il fallait des actrices de théâtre en fait pour venir jouer... Alors, il fallait des actrices de théâtre, et elle, effectivement, elle avait un double atout, puisqu'elle était une actrice de théâtre parlant très bien anglais, avec une très légère pointe d'accent anglo-français, et parlant en même temps très bien français, avec une très légère pointe d'accent américain. Il y a eu d'autres comédiens comme ça qui ont joué sur leur culture française pour séduire Hollywood. Alors, le premier d'entre eux, c'est Maurice Chevalier. Évidemment. Maurice Chevalier. Alors, lui, français pur sucre. Hein. Français pur sucre. Mais qui avait appris assez bien l'anglais pendant la guerre de 14 et qui, du coup, lorsqu'il est arrivé à Hollywood, au bout de quelques mois, parlait un anglais à peu près impeccable et qui se forçait à maintenir un accent français pour rester couleur locale. Et d'ailleurs, il a fait, avec Claudette Colbert, deux très bons films, La Grande Mare et Le Lieutenant Souriant. Oui. Il y a eu d'autres acteurs, il n'y a pas tellement d'actrices ici. Alors évidemment, dans les acteurs, il y a Charles Boyer. Alors Charles Boyer, c'est vraiment l'archétype du French lover américain. Il y en a français, pardon, en Amérique. Après, il y a eu Louis Jourdan quand même qui est décédé dernièrement, qui était aussi l'archétype du French lover. Alors Charles Boyer a quand même eu une carrière beaucoup plus complète parce que au bout d'un moment, son côté séduisant lui permettait de jouer des séducteurs exotiques. Et l'exotisme pour les Américains de l'époque, par exemple, ça pouvait être des exilés. D'Europe de l'Est. Et donc Charles Boyer a joué très souvent de grands rôles d'ailleurs d'exilés d'Europe de l'Est. C'est vraiment probablement l'acteur vraiment français qui a le plus réussi à Hollywood. Parce que Claudette Colbert, au bout d'un moment, c'était quand même une actrice américaine. C'est oui, une actrice américaine. Boyer est resté un acteur français, mais c'est un acteur français qui a fait une carrière très considérable à Hollywood. Un certain nombre de comédiennes, alors on parlera tout à l'heure des comédiennes plus récentes, récente, mais à la grande époque, à l'âge d'or, un certain nombre de comédiennes françaises ont traversé l'Atlantique pour jouer dans des rôles, mais il n'y a pas eu de, très grand succès de ce point de vue. Alors, je pense qu'il y a une exception qui est Leslie Caron. Ah oui, Leslie Caron a joué vraiment deux personnalité films. Personnalité essentielle dans l'histoire d'Hollywood, Leslie Caron. Voilà, personnalité très importante à travers Un Américain à Paris et Gigi. En revanche, c'est vrai que les offensives américaines, notamment des deux plus grandes actrices françaises de l'époque, c'est-à-dire Danielle Darrieux et Michèle Morgan, ont été très limitées. Pour deux raisons. D'abord parce que, contrairement à Claudette Colbert, on leur faisait jouer les Françaises, typiquement. Et au bout d'un moment, ça les ennuyait un petit peu. Et puis deuxièmement, elles étaient assez malheureuses à Hollywood. Parce que le Hollywood de l'époque était quand même très différent de la France, sur le plan du mode de vie, sur le plan de la culture, sur le plan de l'alimentation aussi, il faut bien le dire. Et que ce soit chez Darrieux, chez Morgan, chez Micheline Prel, qui a été à Hollywood aussi, et même chez Leslie Caron, qui a mieux réussi que les trois précédentes à Hollywood, on voit bien que l'idée que c'était à l'époque un désert culturel, elle se sentait exilée. Par exemple, je crois que c'est Leslie Caron qui raconte dans ses mémoires qu'elle allait voir des films européens dans des cinémas et le cinéma était à peu près vide. Il y avait deux personnes dans la salle, c'était Marlon Brando et elle. Elles n'étaient pas heureuses. Il y en a un autre qui n'était pas heureux en Amérique où il a fait quand même un passage pendant la guerre. C'est Gabin. Gabin a fait des films américains. Il va revenir avec Marlène. Marlène Dietrich, Aïda Lupino, qui a été son partenaire dans Moontide, ont essayé un peu d'initier Gabin. Elles lui ont fait faire du cheval, elles l'ont initié à des tas de joies américaines et lui ont fait un peu partager les endroits un peu chauds de la Californie. Mais au fond, il n'était pas heureux là-bas. Les Français de l'époque n'étaient pas heureux à Hollywood. Alors j'ai parlé de Rita Hayworth, de Judy Garland, etc. Ensuite, il y aura toutes les comédiennes, évidemment, des années 50 et 60. Mais à la génération de notre Claudette Colbert, donc disons dans les années 30 et 40, c'est là que sa carrière est au sommet, quelles sont les grandes rivales, si je puis dire? On a parlé beaucoup de Bette Davis, elle était loin d'être la seule. Il faudrait peut-être dire un mot de Catherine Hepburn, par exemple. Oui, je pense que les deux actrices qui dominent le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, c'est Katharine Hepburn et Bette Davis. Alors, elle le domine pour des raisons très différentes. Katharine Hepburn le domine fondamentalement parce que c'est une pionnière du féminisme. C'est une actrice qui est très intéressante parce qu'elle a un charme un peu androgyne qu'elle utilise parfois pour avoir une forme d'autorité dans ses films et en même temps elle sait faire un usage extrêmement féminin de ses appâts. On le voit notamment dans un film comme La Femme de l'année qui est d'ailleurs le film de sa rencontre avec Spencer Tracy qui sera l'homme de sa vie. Et dans La Femme de l'année, c'est un vrai film sur la parité. C'est un film qui a été voulu par Katharine Hepburn. Très politique, en fait. C'est elle qui a été chercher le scénario. Et c'est à la fois un film sur la parité au travail et en même temps, quand elle séduit Spencer Tracy dans le film, elle lui fait un numéro de charme tout à fait extraordinaire. Et donc, Katharine Hepburn va accompagner les Américains dans le mouvement des idées. C'est elle aussi qui va faire le premier grand film antiraciste quand elle va jouer dans Devine qui vient dîner. Donc, il y a ce côté très en avance sur tard, la société. Hein, plus tard. Oui, bien sûr, mais ça va être il faut savoir qu'il y avait un code de censure qui interdisait notamment les mariages interraciaux et le Devine qui vient dîner est le premier film montrant un mariage interracial après que le code de censure soit tombé en désuétude. Donc c'est beaucoup plus tard, mais qui saisit la balle au bon pour accompagner les idées nouvelles? Katharine Hepburn. Et tout à l'heure, justement dans le récit, je parlais de la période bénie pré-code, disais-je, c'est-à-dire avant le code Hays. Il faut expliquer ce que c'est et quand c'est, surtout. En gros, ce qui s'est passé, c'est que dans le cinéma muet, il y avait vraiment des scènes qui étaient très olé-olé et qui heurtaient les puritains américains. Et quand le cinéma est devenu parlant, à la fin des années 20 et au début des années 30, là, ils ont dit, écoutez, non, là, c'est la fin de la récré, là, parce que quand ça parlait pas, on veut bien, mais là, vous faites des films dans lesquels on parle d'adultère, on parle de trucs qu'on juge tout à fait épouvantables, en plus plus on voit des femmes qui sont presque nues, et donc tout ceci est impossible. Et il y a eu des manifestations devant les cinémas, et il y a jusqu'à 7 millions d'Américains qui ont signé une pétition dans les églises pour demander de ne plus aller au cinéma. Et donc les studios se sont réunis et ont dit il faut qu'on crée un code. Ça a été le code ACE, qui était ce fameux code d'autocensure, qui allait en fait beaucoup plus loin. De déontologie morale, ouais, si on peut dire. Mais il allait beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, il imposait un modèle de société extrêmement puritain. On faisait comprendre que dans la chambre à coucher, il devait y avoir deux lits séparés. Donc c'est quand même une vision de la société assez particulière. Et donc, ce code est arrivé, mais pendant les 4 premières années, il y avait un code, mais il n'y avait aucune administration pour le faire respecter. Et là, si je puis dire, ça a été un peu la foire au string, c'est-à-dire que les réalisateurs et les producteurs se sont dit bon, bah, il y a un code, alors on va l'appliquer à la lettre, mais tout ce qui n'est pas explicitement surtout, voilà, interdit par le code, on va le détourner. C'est par exemple, loi de l'obstacle qui permet de renforcer la créativité d'une certaine manière. Par exemple, vous avez ce film de Lubitsch, Sérénade à trois, qui est un film clairement sur un ménage à trois, avec Gary Cooper, Frédéric March et Myriam Hopkins. Et Myriam Hopkins n'arrête pas de répéter à ses deux compères, elle leur dit attention, no sex. Ouais. Bon, et évidemment, quand vous répétez pendant tout un film qu'il ne doit pas y avoir de sexe, ça finit par devenir obsédant. Et puis dans ces films-là, il y avait quand même aussi beaucoup de sous-entendus. Il y avait aussi quand même beaucoup de jeunes femmes en nuisette, qu'on ne verra plus à partir de 1934, quand le code va véritablement entrer en vigueur. Être appliqué parce qu'il y aura une administration qui va surveiller et tamponner tous les films. Du point de vue de la vie privée, pas tellement de ragots à propos de Claudette Colbert. On a dit quand même qu'elle aimait bien les dames. Ce qui s'est passé, c'est que Claudette Colbert, en fait, a épousé un acteur et futur réalisateur qui était Norman Foster. Elle l'a épousé en 28, je crois, et en a divorcé en 35. Et déjà, à l'époque, ils avaient décidé de ne pas habiter dans la même maison. Donc, ça faisait quand même un tout petit peu jaser. Et elle disait, non, mais quand on gagne de l'argent, au fond, les femmes habitent chez les hommes parce qu'on n'a pas l'habitude qu'elles soient indépendantes. Mais quand on peut, c'est tout à fait normal qu'une femme et un homme n'habitent pas au même endroit. Ensuite, elle divorce de Foster et ensuite elle a épousé un monsieur qui était dans une qui exerçait une profession médicale cet homme était extrêmement discret. Elle s'est rarement affichée avec lui. Ça semblait, certains ont dit que c'était un mariage de complaisance. Mais contrairement, par exemple, à une Katharine Hepburn dont les aventures féminines ont été largement repérées et ont beaucoup fait jaser, ça a été beaucoup moins le cas pour Claudette Colbert. Je rappelle le titre de votre magnifique ouvrage, Hollywood, la cité des femmes, histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood de 1930 à 1955. C'est une coédition Actes Sud et Fondation Lumière. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Libraire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, avec vous Franck, avec votre invité Antoine Cyr et avec Laurent Veil, journaliste cinéma à Canal+, qui vient de nous rejoindre. Et oui, bonjour Laurent Veil, merci d'être avec nous. J'allais dire, vous arrivez d'Hollywood, vous êtes toujours soit en partant, soit de retour d'Hollywood. Oui, il m'arrive très très souvent de faire des allers-retours 5-6 fois dans l'année, donc là j'y vais pour les Oscars à la fin de la semaine prochaine. Bien sûr, alors ça va être très passionnant cette année. J'espère. Nous allons suivre ça de très près. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Claudette Colbert à Hollywood ? Très sincèrement, plus grand-chose, grand-chose. Ça fait pas. Je connaissais la réponse, mais je voulais vous l'entendre dire. Dans la nouvelle génération, c'est pas un nom qui résonne. Mais c'est curieux, vous en avez évoqué d'autres qui résonnent encore aujourd'hui, mais celui-là, très franchement, pas vraiment. Oui. De même que Jean Arthur a disparu, elle aussi. Hein, c'est pas. Oui, mais je pense que Jean Arthur est très présente dans les films de Capra, où elle joue un peu l'américaine type. Et Jean Arthur avait un mode de réponse dans la comédie. Vous savez, elle avait des réactions en deux temps dans la comédie. Et les réactions en deux temps de Jean Arthur sont toujours enseignées dans les cours d'art dramatique américain. Donc, elle est sans doute, sur le plan de son jeu, restée un peu plus qu'une Claudette Colbert, qui, c'est vrai, incarnait quand même beaucoup la femme de ces années-là, de ces années 30 et 40. l'extraordinaire brillance, le glamour de ces films des années 30, 40, 50 a littéralement irradié Hollywood. On a l'impression que c'était la ville de toutes les beautés, de tous les plaisirs. Et finalement, et nous l'abordions tout à l'heure à travers l'expérience de nos actrices françaises qui n'ont pas aimé vivre à Hollywood, ça n'était pas une vie tellement enviable, Laurent Veil. Non, c'est le cas, et en plus ça n'a pas beaucoup changé. Quand vous posez la question aujourd'hui à Marion Cotillard, qui tourne beaucoup aux États-Unis, elle ne tient absolument pas à s'installer à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Et tous les actrices et acteurs français, alors certains y habitent aujourd'hui pour d'autres raisons, mais d'un point de vue professionnel, mais c'est une ville très compliquée. Et c'est vrai que nous, Européens, on a assez peu de référents, on a assez peu de connexion avec cette ville-là, culturellement, d'un point de vue de l'histoire aussi. Donc c'est très difficile pour des acteurs ou des actrices de travailler, de s'installer à Hollywood. Sont des codes encore aujourd'hui très différents. Dans votre beau livre, Antoine Sire, vous nous montrez, je dis beau livre, je parlais de Bible tout à l'heure, c'est même du papier Bible. Je ne sais pas si c'est une allusion directe. Oui, parce qu'il fallait... j'ai livré à l'éditeur 1000 pages de texte et en même temps, on voulait aussi que le livre soit abondamment illustré. Donc à la fin, il fait 1250 pages et donc on a quelques belles illustrations, mais aussi 1000 pages de texte sur papier Bible. Mais moi, j'aime beaucoup le papier Bible. Je trouve que ça a une noblesse extraordinaire. C'est très agréable à feuilleter. C'est très bien. Vous racontez dans ce film, dans ce livre, vous voyez le lapsus, dans le moindre détail, hein, d'ailleurs, c'est très, vous entrez vraiment dans l'histoire de chacun, de chaque film, des scénaristes, etc. Vous nous montrez que c'est un monde quand même d'une certaine dureté. Pardon d'assombrir un peu le tableau. Non, mais c'est un monde extrêmement dur. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a tant dans les mémoires des actrices de l'époque, que ce soit Myrna Loy, Lana Turner, Bette Davis, enfin, on voit à quel point c'était un métier qui était très dur. C'était un métier, d'abord, les conditions de travail étaient très dures. Elles étaient plus dures pour les femmes que pour les hommes, parce que les femmes avaient 2 heures, voire 2 heures et demie de maquillage. Donc elles devaient arriver beaucoup plus tôt que les hommes sur le plateau, et en même temps elles étaient payées moins cher que les hommes. Donc il y avait une espèce de terme de l'échange qui était très défavorable aux femmes. Tout ça n'a pas beaucoup changé, hein, pardon. Et en plus, la situation est toujours la même. Et en plus, ça n'a pas beaucoup changé. Après, il y avait une chose qui, elle, a plus changé. Et elle a changé notamment grâce à une femme qui est Olivia de Havilland, qui est que les contrats entre les acteurs et les studios étaient des contrats épouvantables. Par exemple, Olivia de Havilland avait refusé de tourner dans certains films à la Warner, et à la fin de son contrat, Warner lui dit « Vous me devez encore tout le temps que vous m'avez fait perdre avec les films que vous avez refusés ». Elle l'a attaqué en justice. Warner lui a envoyé ses 40 avocats. Enfin, ça a été quelque chose, ça a été une bataille terrible. Mais Olivia de Havilland a tenu bon et elle a, si je puis dire, imposé une jurisprudence qui a un peu changé la relation entre les acteurs et les studios. Et les studios qui ont été vraiment de terribles exploiteurs. Hein, oui, il y avait longtemps. Jack Warner. Alors, là, au moment de l'affaire de Havilland, on était en pleine guerre. Donc Jack Warner, qui portait d'ailleurs un uniforme de colonel alors qu'il n'avait jamais tenu un fusil, dit à tous ses copains, envoie des lettres à tout le monde en disant « Ne travaillez plus jamais avec Olivia de Havilland ». Et Olivia de Havilland a été très intelligente. Elle est allée faire du théâtre aux armées. Et là, quand Warner a appelé les militaires en leur disant « Ne laissez plus Olivia de Havilland soutenir le moral des boys », là les gars leur ont dit « Mais écoutez, cher colonel Warner, nous on est ravis d'avoir l'une des vedettes d'OTAN en emporte-le-vent qui vient divertir les soldats ». Elle leur a mené la vie dure. C'est une femme d'une très grande intelligence qui vit toujours à Paris. Elle est âgée de plus de 100 ans et elle vit dans le 16e arrondissement à Paris. Oui, nous lui avons rendu hommage l'année dernière avec... Nous avions fait une émission spéciale avec Henri-Jean Servat. Un mot, le film qu'il faut voir, parce que je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup ont envie de revoir maintenant Claudette Colbert. On vient d'en parler pendant une heure. Alors, lequel leur conseilleriez-vous ? Oh, je vais quand même en conseiller 3. Allez, oui. La 8e femme de Barbe Bleue. Oh, magnifique. New York, Miami, oui. Et puis quand même Cléopâtre, pour voir ce qu'est un film fondateur du péplum, dans lequel elle est absolument magnifique. Mais oui, puisque de toute façon, notre auditrice nous le disait via Facebook, elle est sublime dans Cléopâtre. Merci beaucoup Laurent Veil, bon voyage et j'espère que la cérémonie des Oscars se tiendra ses promesses. Allez, merci Antoine Cyr, vous nous avez l'un et l'autre fait rêver cet après-midi. Mais Et dites-moi, c'est la philosophie qui arrive avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Franck. À l'occasion du salon de l'agriculture, c'est de nourriture terrestre qu'il sera question aujourd'hui dans Qui Vive, de viande, de barbac ou de bidoche, et surtout de ceux qui n'en mangent pas. À tout de suite. Merci beaucoup Raphaël, et nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire.